En catalan, ça s'appelle le pan en tomate. C'est du pain grillé où on a frotté de l'ail. Après, on a gratté de la tomate et ensuite on y met de l'huile d'olive et par-dessus du manchego. C'est une entrée que font les Catalans espagnols juste avant d'entamer la super paella faite par notre maître. Et c'est une paella aux fruits de mer. Donc ça a quoi de particulier par rapport à une paella classique? On remplace la viande par... Voilà, il y a deux sortes de paella. Il y a la paella avec la viande, c'est-à-dire le poulet, le lapin aussi. Mmh. Et puis il y en a qui sont sans viande, c'est-à-dire aux fruits de mer. Alors c'est bien parce que ça permet en plus de recycler du pain quand on a du pain qui reste. Mais voilà, souvent moi je le dis, ne jetez pas votre pain, même le pain rassis, vous le faites repasser un peu au four. Ça fait comme la biscotte après. Hein. Et puis par-dessus on peut mettre pas mal de choses. Alors quelquefois les Catalans ils mettent le pain tomate, l'huile, vinaigre et sel. Ça relève un peu le goût Un peu. Moi ça a été mon goûter pendant quand j'étais petit garçon. Mon arrière-grand-mère... Il y a 4 heures, nous faisions du pain tomate, et grattait un peu d'ail, de l'huile et du vinaigre et un peu de sel. C'était notre goûter. Et ça, c'est catalan parce qu'en Italie aussi, ils ont ce. Ça se ressemble. Le port tour méditerranéen, on a presque la même empreinte tous. Et là, il y avait du monde sur cet atelier? Ben oui. Alors, déjà, c'est. Le maestro, celui qui nous a dirigés, Man, il y a eu Mounir, Muriel est venu nous aider aussi, il y a eu Salma qui nous a montré aussi. C'était sympathique, quoi. Des échanges, beaucoup d'éclats de rire aussi. C'est ce qui fait aussi l'attrait des ateliers cuisine. C'est ça. C'est de partager. Et surtout quand vous avez deux bras gauches comme moi, on rigole. C'était bon. Est-ce que c'était bon? Je suis pas bien placée en fait, j'ai pas d'odorat ni de goût alors. Ah d'accord. C'est pas bon. La paella traditionnelle. Ah c'est une paella de la mer alors. C'est une paella maison. Mais ce qui est sympa, c'est aussi de se retrouver au-delà de ce qu'il y a dans l'assiette. Ah, bien sûr, ça fait une belle tablée, on a le soleil, tout le monde a le sourire, vous avez le sourire. Voilà, on n'en demande peut-être pas plus. C'est sympathique. Mais c'est pas mal. Hein. Mais il est pas mal, mais il n'y a pas assez de choix, je trouve. Ah, ouais. Ouais, j'apprécie, c'est qu'on voit que les gens y reviennent. C'est très agréable. Ça fait du bien. Oh là, c'est bien, il y a des nouveaux. Il y a des nouvelles têtes. Là, par exemple, les dames, là, moi, c'est la première fois que je les vois. Il y a des maîtresses aussi. Avant, il n'y avait pas. C'est super.